poussière me brûle, mes bottes usées. Chaque pas résonne comme un passé brisé. Riders kill Marcel, son souffle en lambeaux, sous la lune qui saigne dans l'ombre des corbeaux. Ride on through the whiskey dust, voices broken, iron and rust. Ride on till the fire fades, cowboy soul in the endless shade. Un salon désert, whisky renversé. Les murs se souviennent des duels oubliés. Mon ombre s'allonge, mes chaînes tombent. Le désert m'avale, mais ma voix gronde. Right on. Voices broken, iron and rust. Ride on till the fire fades, cowboy soul in the endless shade. Me regarde, assise au bar. Un vieux piano joue des notes de nulle part. Riders kill survit, son nom résonne. Dans chaque canyon, sa légende tonne. Ride on. Voices broken, iron and rust. Ride on till the fire fades, cowboy soul in the endless shade. Shaving out.